Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 3, Gaumet du Pré 1862. Question 86. Des oblations et des prémices. Obligation de faire certaines oblations. Matière des oblations. Un mot sur les prémices. 1. Tous les hommes sont-ils tenus de faire des oblations? On appelle oblation ce que l'on offre pour servir, dans son état naturel, au culte divin ou à l'usage des ministres. Les oblations sont volontaires de leur nature, comme le marque ce texte, vous les recevrez de ceux qui les présenteront spontanément. Exode 25, 2. Cependant, elles peuvent être rendues obligatoires par quatre causes. D'abord, par une convention antérieure, lorsque l'Église a cédé un bien à charge de certaines offrandes, à des époques fixes, ensuite, par legs ou par promesses, comme lorsqu'une donation entre vives ou un testament assure à l'Église un meuble ou un immeuble qui doit être livré plus tard. En troisième lieu, par les besoins mêmes de l'Église, lorsque, par exemple, les ministres du culte n'ont pas le nécessaire pour vivre, enfin, par la coutume, qui oblige les fidèles aux offrandes que l'usage a consacrées pour certaines solennités, mais, dans ces deux derniers cas, les oblations sont libres sous le rapport de la quantité et de la nature des objets. Note. Cet article et les suivants ne peuvent servir qu'à nous faire connaître l'ancien droit canonique, qui ne nous régit plus. Nous les reproduisons, pour être fidèles à notre engagement de ne mettre ni question ni article. Fin de la note. 2. Les oblations ne sont-elles dues qu'aux prêtres? Les oblations ne sont dues qu'aux prêtres, qui sont les intermédiaires entre Dieu et le peuple. Ils peuvent s'en servir, partie pour eux-mêmes, partie pour l'entretien du culte, partie pour les pauvres. Note. Les moines et les autres religieux peuvent aussi participer aux oblations, soit comme pauvres, soit comme exerçant un ministère, soit comme pasteurs. Fin de la note. 3. Peut-on faire des oblations de tout ce qu'on possède? L'ancienne loi, qui était une loi figurative, répudiait certaines oblations comme impures. Dans la loi nouvelle, il n'en est plus de même. À ne considérer les choses qu'en elles-mêmes, on peut y offrir tout ce que l'on possède légitimement, mais on en est parfois empêché, soit pour ne pas attirer le mépris sur le culte, soit pour ne point causer de préjudice à un tiers. Note. La loi nouvelle ne permet pas d'accepter pour oblation le prix de la prostitution, de peur que le prêtre ne paraisse approuver le crime pour le profit qu'il en retirerait. Fin de la note. 4. Est-on tenu de payer les prémices? Il est de droit naturel que l'homme consacre à honorer Dieu quelques-uns des biens qu'il en reçoit. De droit divin? Sous la loi ancienne, on devait offrir à telle personne et dans telle quantité les prémices des fruits. Sous la loi nouvelle, il est de droit ecclésiastique de donner les prémices, selon la coutume du pays. Markendanarchive.org 2020, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.